J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde original du comics. Excusez-moi, on a des petits problèmes à la technique, c'est pour ça qu'on est un peu en retard, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Je suis avec mon équipe chatoyante et sémillante, on va commencer par les filles. Salut Faye, ça va ? Oui, bonjour James, bonjour l'équipe et bonjour les auditeurs. On enchaîne avec Juni qui ne me regarde pas. Salut Juni. Allô. Comme à chaque fois. Avec Mathieu qui est toujours présent. Toujours chatoyant. Toujours chatoyant, toujours sémillant. Et nous avons un invité et c'est... Merde, putain, j'ai complètement zappé ton prénom. Romain. Je suis Romain, voilà, excuse-moi. Je suis désolé, je suis dans le stress. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Excellente. Ouais. Ouais, bah, oui, non. Toi, tu sais, sous le signe de l'allergie. Hein. Oui, le signe de l'allergie et des maladies, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là, nous sommes chauds pour commencer. Et on va commencer directement avec les news. Non, oui, on fait comme ça. Et on va faire comme d'habitude. On ne peut pas générique parce qu'on a des problèmes d'habillage, mais c'est pas grave. On enchaîne quand même sur les news. Tu peux le faire avec la bouche si tu veux. Moi, je sais plus ce que c'était déjà le générique. Moi non plus. Attends, je te fais une gueule. C'est les news. Ouais, voilà. C'était le générique et news qui est magique. Et moi, je voulais vous redonner un coup de projecteur sur quelque chose dont vous a parlé il y a quelques semaines. C'est Kirby and Me, donc le projet d'artbook autour de Jack Kirby. Donc, et le Ulule qui est lancé depuis quelques semaines et qui malheureusement ne fait pas assez de... Enfin, ils ont fait 126 achats pour l'instant et ils ont besoin de 500 pour entrer dans leurs frais. Donc, je tenais que... Franchement, c'est un projet assez sympa. L'auteur était venu nous en parler au téléphone et moi, ça m'avait un peu hypé sur... déjà, Jack Kirby... comme grand homme et tout ce qu'ils proposaient était sympa. Donc moi c'est que 40€, donc allez-y. Puis franchement, que c'est pour une bonne... Et en plus c'est pour une bonne cause, puisque c'est je sais plus le nom de la somme, mais c'est tous les bénéfices reviendront à une association, donc autant participer à ce jeu. Réécouter l'émission avec l'interview. C'est je sais plus laquelle c'était. Il y a deux semaines. Ouais, c'était il y a deux semaines. Va réécouter et vous aurez toutes les explications dans les news. Donc voilà, moi je pense que je vais participer quand j'aurai un peu plus de thunes. Et voilà, je ne peux que vous engager à participer. Et on va enchaîner sur un truc un peu triste aussi. Je sais pas si vous connaissez Comic Box, le magazine qui a été créé en 98 et qui est passé par plusieurs formats. Donc c'est un magazine sur le comics. C'est le seul magazine qui traitait de comics en France. Et c'était pas un magazine comme le kiosque que vous retrouvez toujours. Là, c'était des articles et tout avec un regard vraiment affûté sur l'industrie avec Xavier Fournier qui était rédacteur en chef, qui est quand même un mec qui sait de quoi il parle, il a fait plein de conférences sur le sujet. Et je voulais parler qu'ils avaient dépassé leur 100e numéro il y a quelques mois. Il y a quelques semestres, puisque c'est bimestruel, et ils vont s'arrêter au 104, et c'est un peu triste, je trouve. Je sais que t'étais un peu plus lecteur assidu que moi, Mathieu, sur... Quoi qu'il arrive, c'est dommage de voir un magazine comme ça, qui parle de notre médium, disparaître. Et effectivement, c'était quand même assez riche, il y avait pas mal d'articles de fond, il raccrochait pas mal à toute la pop culture qu'il y a autour, même parfois des articles un peu plus creusés sur le business, enfin c'était assez riche. Peut-être leur interview, d'auteurs qui en général étaient peut-être un petit peu classiques, on va dire, qui n'allaient peut-être pas forcément au fond des choses, mais c'était quand même intéressant. Ils arrivent à avoir du monde intéressant, c'est vraiment dommage. Ouais, c'était toujours enrichissant. Mais le fait qu'ils ne soient pas dans l'instantané dans internet, mais qu'ils soient un magazine, donc ils pouvaient traiter les choses d'une façon plus profonde, et ça pouvait être intéressant. C'est dommage de perdre cet œil là. Moi, je suis un peu triste, et j'espère qu'ils arriveront quand même à sauver les meubles et peut-être un site internet, une version numérique, ça marche. Ouais. Je fais un appel, je pense pas qu'il nous écoute, mais à Xavier Fournier, s'il veut un jour venir nous parler de la suite de Comic Box, et il sera accueilli avec plaisir. Et on va passer aux news de Faye, parce que moi j'avais que ça comme news. Après, j'ai beaucoup de sorties, donc on va traiter les sorties surtout. Okay, et pour être sincère avec vous, Overwatch m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai pas pu. Bravo. Avoue que tu es un feignant, avoue. Ouais, voilà, j'avoue. En parlant de ça, moi à partir du 3 mars, je suis plus là. Ah, d'accord. Au revoir. Zelda. Tu as dit ça d'une façon tellement sérieuse, j'ai cru que c'était... Non, non, il y a Zelda qui sort sur Wii U, donc j'arrête de vivre. Comme je le comprends. Okay. Bah vas-y, fais tes news. Oui, bah on va commencer par quelques petites news de ciné, vraiment c'est rapide. Ouais. Vous avez pu le voir, eh bien, cette semaine, coup de tonnerre, Ben Affleck, donc, qui était en train d'hésiter, je réalise pas, finalement a dit qu'il ne réaliserait pas le prochain film Batman. Alors, il va rester impliqué, bien sûr, au niveau du scénario et de la production, et bien sûr, dans le rôle de Batman, mais officiellement, il a déclaré qu'il voulait pouvoir se consacrer au personnage de la meilleure façon possible, parce que Batman est une icône, et qu'il ne pouvait pas faire son rôle en étant à la fois devant et derrière la caméra. Mais bon, on sait, on va dire en off, qu'il y a des rumeurs qui sont un peu plus pessimistes. Je veux pas dénoncer, mais on m'a dit il y a même pas 5 minutes que c'était moi qui l'avais qui lui avait foutu la masque en disant que c'était le Messie Warner. Ouais, je lui ai porté malheur, je suis désolé par avance. Je t'aime Ben. Bon, bref. Et donc, on sait donc, d'après certaines rumeurs, que ce serait parce qu'il n'aurait pas réussi à trouver un terrain d'entente au niveau du scénario. Avec Warner. Ça faisait plusieurs fois qu'il disait qu'il ne réaliserait pas si le scénario ne lui plaisait pas et autres. Moi, je pensais vraiment que c'était des trucs pour mettre de la coup de pression à Warner. Au final, c'était vrai. Apparemment, on sait qu'il bosse sur le scénario, mais qu'il n'arrive pas non plus à imposer ce qu'il veut. Donc, il a dit, ok, c'est bon, je ne réalise pas. C'est très inquiétant. C'est peut-être plus sain, peut-être qu'il parte. Non, ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Non, mais pour lui, je veux dire. Ah oui, pour lui, oui. Ah bah pour lui ça vaut mieux, il va pas se prendre la tête. Attends, si les mecs ils auraient envie de faire. Bon, après au niveau des rumeurs, alors ça vient du site Variety. On parle de Gavin O'Connor, qui est le réalisateur de Mr. Wolf, qui serait en fait un choix apprécié par la Warner et par Ben Affleck pour le film. J'ai pas vu le film, mais j'ai des sales retours dessus. Donc apparemment c'est lui qui serait pressenti, mais c'est pas encore officiel. Ça se trouve c'est un yes man. Peut-être. Pour l'instant, ça ressemble à ce qu'ils ont fait par ailleurs, hein, donc c'est quand même assez balisant. Moi, j'étais d'accord sur le Messie pour Ben Affleck, hein, parce que pour l'instant, Wonder Woman ne va pas forcément déplacer des milliards et des milliards. Pourquoi ? Parce que c'est pas un Avengers ou c'est pas un Justice League, ouais, t'as pas une énorme icône non plus, quoi. C'est le film qui m'a hypé le plus cette année. Oui, non, je dis pas qu'il va pas être bon, je dis qu'il va pas forcément avoir une énorme bouche à oreille. Ouais. Moi, que vraiment, surtout que déjà, il vient après Suicide Squad qui est pas très bon, les gens ont un peu une grogne autour de Warner, donc forcément, ils vont peut-être y aller en reculant. Ouais, mais le grand public, il a pas ce genre de délire, enfin... Quand même, Même d'une manière générale pour Warner, l'année prochaine t'as Flash, ils ont viré les deux réalisateurs, il faut qu'ils réécrivent le script. T'as Aquaman qui a l'air cool, mais là aussi c'est pas non plus un Superman. Et t'as le Batman de Ben Affleck qui part en saucisse. Si jamais Justice League se viande, moi je me demande si Warner ils vont pas arrêter les frais. Je suis d'accord. Il faut être objectif, James, c'est voir que Warner ils ont un problème. Soit ils mettent tout en pause et ils réfléchissent pour choisir leur cible. Sans aucune objectivité. Mais bah, tu peux être obligé. En tout cas, pour continuer sur Warner, passons vite fait à Aquaman, avec Nicole Kidman qui aurait été engagée pour jouer la mère d'Aquaman. Alors, je ne vois pas trop de ressemblance physique, mais si vous voulez. Avec un poisson, peut-être, oui. Peut-être, je ne sais pas. Et Black Manta a aussi été recruté. Alors, c'est un acteur qui... Je vais avoir du mal à prononcer son nom. C'est Yahya Abdul Mateen, me semble deuxième du nom, que vous avez pu voir dans la série The Get Down sur Netflix. Une série qui est faite par Baz Luhrmann, me semble-t-il. Ouais, et qui est super. J'avais commencé à la regarder. Ouais, j'ai adoré. Il y a le micro de Johnny qui est très très bas. Enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais... Ouais. Pour les ciné, c'est tout. Si tu veux enchaîner sur autre chose. Et moi je vais enchaîner sur. Oui, mais t'as beaucoup de news séries Ouais, bah j'ai des pilotes. Bon, je vais faire 2-3 sorties, puis après on va partir sur les sorties de la semaine. Tout à l'heure j'en ai parlé à Johnny, c'est Black Panther tome 1 qui sort. Qui va sortir, je l'ai pas noté, je crois que c'est jeudi ou vendredi. Ça contient les 4 premiers issues de la série de 2006. C'est écrit par. Alors, encore un nom à sortir. Un nom. Ta-Nehisi Coates. Et c'est dessiné par Brian Steele Freeze. Et est-ce que tu l'as lu cette série ? Parce que c'est un peu toi le. Je relève la remarque sur son nom ou je laisse filer. Non, mais c'est parce que c'est imprononçable ce nom. Imprononçable, d'accord, on va dire ça comme ça. Oui, j'ai commencé, c'était plutôt sympathique et je me souviens surtout que ça parlait pas nécessairement beaucoup de Black Panther lui-même. C'est pas lui ou le scénario, c'est pas un mec qui vient des comics, c'est un romancier ou un écrivain enfin, Ça, je saurais pas te dire, mais ça commençait plutôt bien. J'ai pas continué, mais c'était pas à cause du livre en lui-même, j'ai dû passer à autre chose comme je fais très souvent. Ok. Bah, le TPB. DB pour 13€. Mais il n'y a pas, oui, il est pas très épais. 4 issues. C'était pas cette série dont les auteurs étaient tous afro-américains, non? Ouais, c'est celle-là, je crois. C'est Black Panther, ils sont quasiment toujours afro-américains. Non, mais là, pour le coup, le dessinateur, scénariste, coloriste, enfin, ils avaient fait un truc. Ouais, ils le font exprès. Ouais, c'est un peu cliché, certes, mais. Ah oui, parce que selon Marvel, il n'y a que des blacks qui peuvent écrire pour des blacks. Vraisemblablement. Et. On va pas commenter ce genre de truc. Ça se discute. Voilà. Se discute. Ah, moi je dirais pas que ça se discute. Enfin, continue. Ouais, voilà. On passe à un autre. On est dans le terme black, puis c'est Black Widow. Tome 1, c'est les 6 premiers issues de la série de 2016, encore une fois, pour 15€. Si vous voulez un petit pitch. Celle de Chris Samney Non, c'est. Ah oui, c'est Chris Samney et Mark Waid. Ouais, achetez-le. Ne prenez même pas le pitch, juste achetez-le. Bon, bah voilà, tu l'as vendu. Il est génial. Je pense que je sais pas pourquoi, mais je pense que la prochaine série va te plaire. C'est Young Avengers. Donc, il contient les. C'est les épisodes US de Young Avengers 2013. Donc, c'est la série de Karen Gillian et de Jimmy McKelvey. Et c'est une série qui a été vachement acclamée par le public. C'est une série Marvel Now, je crois. Tu l'as pas lu? Non, celle-là je l'ai pas lu. Ah, je croyais que. Parce qu'il y a le petit Loki et tout, donc je me dis. Oh, non. Pourquoi? Je veux même pas relever. Quoi, c'est toi la question au Thor, l'univers Thor? Ah oui, d'accord, mais ça veut pas dire que je vais lire tous les bouquins parce qu'il y a un personnage de Thor dedans. Ok. Bon, moi j'avais commencé à la lire en kiosque et c'est. Elle est en train de se foutre de ma gueule. Ouais, ça va le finir. Elle ouais, peut. Ça va. Ouais. J'ai l'impression que tu vis une vie dans ta tête et ouais, que t'as des conversations. J'ai des conversations avec des. Mais je sais pas pourquoi, je pensais qu'il aimait bien Young Avengers. On pourrait faire un effort, Junie, quand même. De quoi ? On pourrait faire un effort pour suivre la légende. Exactement. Moi, j'ai tout lu, tu vois, par exemple. Absolument tout. Et bah, est-ce que tu as lu cette série de Karen Gillan et de Jimmy McKelvey ? Non, du tout, en fait. Ah, ok. Ouais, moi, j'aime bien Karen Gillan. Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit pas mal. Et, oui, c'est vrai. J'aime bien Young Avengers. C'est une équipe assez sympa. Est-ce que Romain, tu. Les Young Avengers, non, je les ai pas lus. Ok, merci. Vous m'aidez beaucoup. Je rame comme pas perdu. Et j'enchaîne avec un All New. Il y a encore des séries All New, c'est, ils finissent jamais avec ça. All New Moon Knight par Jeff Lemire et Greg Smallwood qui contient, là, c'est les épisodes de 2016, de 1 à 5 de Moon Knight. Et Moon Knight, c'est cool. Ça, donc, c'est très voilà, bien. Là, il réagit. Pourquoi ? Tu le sais que je vais réagir, c'est du Moon Knight, forcément. Non, c'est pas le personnage, c'est le. Mais vraiment, les bouquins sont géniaux. Et Greg Smallwood a un dessin qui est fabuleux. Il dessine au crayon d'ailleurs, et du coup, ça donne un grain en fait. Et c'est repris dans la couleur aussi, je saurais pas vous dire là maintenant qui fait la couleur. Mais du coup, ça donne vraiment une ambiance au dessin. Et juste pour ça, ça vaut le coup en fait. Mais comme tu parles, tu peux. Vas-y, pitch un peu le. On en a. En fait, Moon Knight, c'est le Batman de chez Marvel. En fait. Le Batman méchant. Ce serait un peu exagéré. Ils ont une origine qui est vastement différente. L'origine de Moon Knight, c'est que c'était plus ou moins un mercenaire en Égypte. Il s'est fait tirer dessus sous une statue d'une divinité égyptienne qui s'appelle Khonshu. Et quand il est revenu à la vie, il s'est retrouvé avec ce qui est à la fois une possession divine et une sorte de schizophrénie. Et du coup, il a comme objectif de protéger les voyageurs. Ça peut être aussi bien des gens qui voyagent en avion que quelqu'un qui se fait attaquer dans la rue pendant qu'il rentre chez lui. Et il a plus le comportement d'un vengeur, on va dire, mais au sens littéral du terme. Et donc oui, il y a des aspects Batman, il a pas mal de gadgets, il a un costume très reconnaissable basé sur la lune, il est tout en blanc, il a l'air très spectral. Et donc il y a la BD avec Smallwood au dessin, et il y avait scène avec Declan Shalvey aussi. Et les deux sont géniales. Ils ont vraiment un talent pour mettre une ambiance et vraiment développer en fait l'univers du personnage autour de lui. Ok, bon, on va enchaîner vite sur les autres trucs parce qu'on n'a plus beaucoup de temps en fait, j'ai pris trop de temps. Et on a la critique de Riverdale de Faye qui va arriver. Donc, ça a l'air assez rapide. Hein. Tu veux faire les news, je passe direct. Ouais, on va passer direct au. Donc il y a Savage Wolverine avec Frank Cho et Phil Riminez. Un truc qui me hype un peu, c'est X-Men Supernova avec Mike Carré, Humberto Ramos et Chris Bacalo. Donc. Voilà, deux dessinateurs pas trop connus. Ah, mais c'est un vieux truc, ça, non? Je ne sais pas. C'est début des années 90, un truc. Ouais, tu crois? Ah, ok. Non, peut-être un poil après. C'était l'arc avec Jean Grey, la famille de Jean Grey, non? Non. Alors, des nouveaux ennemis, nanana, Malicia. Non, c'est un truc avec Malicia, apparemment. Malicia et Mystique, ou je sais pas quoi. Ça, non, c'est. Ah oui, 91, vous avez raison. Ah, bien. J'adore tes présentations, c'est genre nanana, oui. Mystique, nanana, achetez-le, nanana. Achetez-le, c'est bien. Alors, petite info, vous avez une réédition de Miss Marvel, Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson, Spider-Man One More Day, Astonishing X-Men, qui ressortent pour les 20 ans de Panini Comics avec des couvertures et des couvertures spéciales. C'est les couvres qui avaient été mises en avant avec la, à la variante... Excusez-moi, découvre qu'elle a été mise en avant au festival d'Angoulême. Si vous voulez relire ces titres, parce que c'est des bons. Miss Marvel, c'est pas mal. Deadpool, faut sauver le soldat Wilson, c'est un. Je pense que le haut du panier chez Deadpool. Et One More Day, je l'ai pas lu, One More Day. Alors, One More Day, c'est très décrié parce que ça a été après le run de Straczynski. Ouais. C'est-à-dire que c'est Quesada qui a obligé Straczynski à clore une partie de l'histoire de Spider-Man après Civil War. C'est pas là où il perd Mary Jane et tout. Voilà, oui, exactement, oui, c'est ça. Son identité secrète révélée, c'est oublié. Il y a beaucoup de gens qui critiquent. Voilà. Toi, t'aimes bien ? Non, One More Day, j'étais déçu quand j'ai lu ça. Tu l'as lu ? Non, pas lu. Non, mais j'ai entendu des critiques, les fans étaient comme des fous. Ok. Sinon, vous avez chié. Tu voulais ajouter. Ouais, je voulais dire, par contre, la couverture de Bastien Vivès, c'est vraiment top. Elle est pas mal, ouais. Vous avez Bastien Vivès, il y a Boulet qui fait le Deadpool, et il y a. Je sais plus, je crois que c'est Penelope Baggio qui en fait un, et je sais plus qui c'est les autres. Enfin bon, c'est vrai que la couverture de Bastien Vivès est géniale. Chez Bliss Comics, vous avez Ninjak tome 2. J'ai pas lu le 1, mais ça me hype un peu, donc pourquoi pas. Et vous avez l'intégrale de X-O Manowar. Mais X-O Manowar, j'avais commencé à le lire, c'est assez sympathique si vous aimez la SF un peu bourrine et si vous aimez Valiant. Donc voilà, pourquoi pas. Et chez Urban, vous avez Greg Rucka présente Wonder Woman. Donc c'est un peu dans le même esprit que Jeff Jones présente Flash. C'est le début du run de Greg Rucka sur le personnage. C'est un gros run sur Wonder Woman qui est assez. C'est Greg Rucka, donc c'est un très très bon scénariste. C'est la personne derrière Gotham Central, qui doit être ma série préférée de tous les temps. Vous avez Batman et les Tortues Ninja, dont on vous parlera dans 2 semaines. Et vous avez un petit ovni, c'est Kurt Cobain, When I Was an Alien. Donc un truc sur Kurt Cobain, sur l'enfance de Kurt Cobain, qui sort chez Urban. Je ne sais pas. En fait, c'est un crossover entre Kurt Cobain et Roswell. Non, je sais pas. Ouais, je l'adore. Je pense qu'on va faire, on va faire la première pause musicale. J'allais te le dire, mon cher. Et après, on va enchaîner sur Riverdale et après sur la review. Et la première pause musicale, c'est une surprise pour Faye. Donc voilà, on peut passer à la première pause musicale. Tu commences à t'inquiéter. Ouais. Oui, exactement. Je l'assume pas trop. I'm a salaud. Thank you. Je suis désolé pour cette chanson. Si vous avez des remarques à faire, vous les faites à Faye. @FayeFennel sur Twitter. C'était un pari. Donc c'était Beehive tiré de la merveilleuse. Lucille, amour et rock'n'roll, ce magnifique dessin animé des années 80 avec. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Le super groupe de rock. Et ouais, voilà. Et donc c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 pour les gens sur Montpellier et sur internet sur comicsdiscovery.fr ou sur radiocampusmontpellier.fr ou même sur TuneIn. Je ne sais pas par où vous nous écoutez, vous êtes des milliers sûrement à hurler parce que vous venez des millions. Oui, ouais, voilà, ouais. Exactement. Et des milliards aussi sûrement. Mais ça se trouve Trump nous écoute peut-être, il va peut-être tweeter en ce moment. Exactement. Du coup, on va faire un vote en plein milieu de l'émission. Est-ce qu'on fait Riverdale maintenant ou on attend la fin pour pouvoir finir sur une note de caca? Moi je l'ai même pas vu en fait. Bon, c'est pas grave. Je vais souffrir seul. Bon, on va finir avec. On va commencer direct avec Zer Not Like Us, donc qui est sorti chez Jungle Edition. On va commencer par l'histoire. Est-ce que Mathieu, oui, tu peux. Allez. Alors, Zer Not Like Us, comics scénarisé par Eric Stephenson, qui n'est pas forcément quelqu'un de très très connu. Il a fait que deux comics à l'heure actuelle. Par contre, il est plus connu pour son travail d'éditeur chez Image Comics, qui est l'éditeur numéro 3 aux États-Unis, parce qu'il a notamment travaillé sur la série de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples Saga, maintes fois récompensé à travers le monde. Et donc il est édité en France par Jungle Comics, qui est un éditeur qui fait pas forcément du comics. C'est très varié ce qu'ils font. Et donc pour le coup, ils sont très gentils en tout cas. Oui, ouais, ils sont gentils effectivement. Voilà, on n'a pas trop payé. Oui, chut, faut pas le dire, on va m'engueuler parce que. Non, c'est gentil, comme ça on pourra parler quoi. Et donc c'est le comics a commencé à sortir à la fin de 2014 aux États-Unis. On l'a en France depuis peu donc. Et dans ce volume il y a 6 numéros. Et on suit les aventures d'une jeune fille qui a des troubles psychologiques très, très intenses, jusqu'à faire une tentative de suicide tellement sa vie est un enfer. Et qui en fait finit par rencontrer un homme qui l'amène dans un groupe spécial. Et on se rend compte qu'elle est pas folle du tout, elle est juste télépathe, et la plupart des, même tous les membres de ce groupe ont des capacités un peu hors normes. Alors c'est pas un comics de super-héros Avengers et compagnie, ça rappelle quand même voilà les X-Men on va dire, ouais. Très rapidement très dans beaucoup. Le genre, non mais dans le genre voilà, adolescent qui se découvre des pouvoirs, et bien sûr on n'est pas du tout dans un monde où la magie, les dieux et tout ça existe. Le ton est beaucoup beaucoup plus réaliste. Et c'est toute la première partie du comic, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment à travers les yeux de cette héroïne, on découvre donc ce groupe, on découvre comment ils vivent, ce qu'ils font. Ce ne sont pas des persos qui sont manichéens, encore une fois, pas de mecs en slip qui vont sauver la veuve et l'orphelin, juste des jeunes qui essaient de survivre. Qui sont un peu perdus. Ouais, qui sont un petit peu perdus, qui sont un peu tout seuls, qui doivent faire des choses pas très propres pour arriver à manger tous les jours. Ça c'est plutôt intéressant, parce que dans les comics en général, il y a forcément l'un des membres qui est multimilliardaire et qui s'achète un gros QG quelque part dans un coin. Pas de ça ici, donc ils ont fallu qu'ils trafiquent pour avoir une maison. Bien entendu, il faut qu'ils se cachent parce que, encore une fois, on est dans un monde qui est très proche du nôtre. Donc imaginez si on apprend que des gens peuvent lire vos pensées, peuvent manipuler les machines, peuvent courir très vite, peuvent manipuler le feu, ce genre de choses. Et donc c'est pas forcément des bonnes personnes, d'autant plus que l'un des sous-textes à côté de ça, c'est vraiment l'adolescence et le passage à l'âge adulte, le fait justement, comme tu disais, d'être un peu perdu, de se raccrocher peut-être à une communauté, d'appartenir à quelque chose. En général, lorsqu'on parle du passage à l'âge adulte, on peut même parler de manière métaphorique de tuer ses parents. Là, en l'occurrence, c'est pas très métaphorique ce qu'ils font, mais il y a tout ce côté-là où effectivement il y a un tout petit peu de sexualité aussi, il y a tout ce côté-là qui était présent peut-être à l'origine même chez l'X-Men, qui l'avait vraiment porté à un niveau au-dessus. Et donc toute la première partie c'est ça, c'est découvrir ce groupe, comment ils vivent, qui ils sont. Et dans une deuxième partie que j'ai un peu moins aimé moi, il y a plus trop ce sous-texte un peu social, c'est beaucoup plus basique. On suit les aventures des personnages encore une fois via l'héroïne, comment elle va se faire accepter dans son groupe, ce qu'elle doit faire pour continuer à vivre. Et c'est un peu plus basique, du coup les personnages sont globalement assez homogène. beaucoup moins fouillé, beaucoup moins travaillé. Il y a toujours une histoire d'enfance malheureuse. Ouais, bah c'est tous des enfants qui ont été un peu... Oui, voilà, ouais. Et du coup, c'est un petit peu dommage parce que ça, on tombe un petit peu dans le cliché. Ces personnages, alors, encore une fois, à la base, pourquoi pas, effectivement, ils ont eu des problèmes dans la jeunesse et maintenant, ils sont en pleine effervescence, adolescence, ils ont les hormones au plafond, ils ont des pouvoirs, ils en abusent. Mais finalement, j'ai pas trouvé que l'auteur est arrivé vraiment à les rendre charismatiques. Au final, ils sont d'une arrogance folle. C'est pas très construit ce qu'ils veulent faire. C'est juste des petits cons, à la fin, en fait. Et je sais pas trop où c'est qu'ils veulent en venir après, si ça va vraiment être développé. Il y a tout ce côté un peu psychologique qui n'est pas forcément bien creusé. Et du coup, au final, moi j'ai perdu un petit peu d'intérêt dans le truc parce que c'était assez basicos, alors qu'il y avait toute une base au début qui était beaucoup plus prenante et beaucoup plus émotionnellement importante. Ok. Est-ce que notre invité a un petit avis sur l'histoire ? Alors, tout d'abord, pour réagir à ce que disait mon cher collègue, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça pour la suite du comics, parce que je trouve qu'on a vraiment des personnages torturés tout du long, dépressifs, et ça continue vraiment sur cet accent-là jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, bon, certes, au départ de l'histoire, comme tu disais, on a un truc assez classique, ça fait penser aux X-Men, la construction d'une équipe, etc. Mais après, vraiment, l'histoire part tout à fait ailleurs. L'auteur nous amène vraiment dans une autre ambiance que le comics de super-héros classique. Et là, on découvre vraiment des personnages vraiment radicaux. Hein. Le Charles Xavier de Zernot Like Us, lui, il n'est pas là pour faire dans la dentelle. C'est la fin justifie les moyens. Il a une façon de penser vraiment très coupée. Donc moi, je trouvais ça vraiment plaisant, changeant, un petit peu neuf. Et après, ça se laisse lire tout seul. Il faut juste accrocher un peu au style graphique. Ouais, on en parlera après, mais ouais, moi aussi, j'ai eu un peu de mal avec le style graphique. Faye, est-ce que tu as un petit avis sur... Sur le scénario, en fait moi j'ai quand même beaucoup aimé justement pour la thématique, parce que je trouvais que ça ressemble assez à la société qu'on a maintenant, à ce qu'on vit, c'est-à-dire à savoir que tu es pas dans les canons de la société, on t'emmerde, donc forcément tu te sens pas bien. Et d'autre part, y a une espèce de réaction qui se fait via la peur, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont tout le temps à fleur de peau, tout le temps sur la défensive, et finalement ils en deviennent méchants. Et ce qui est intéressant, c'est ce que va apporter cette héroïne, c'est-à-dire elle va essayer de trouver sa place, de voir qu'elle appartient ni au monde normal ni à ce monde-là, et finalement apporter une troisième thématique, qui est en fait je fais ce que je veux, je m'adapte, et si ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça. Au final, j'ai envie d'être moi-même parce que j'en ai marre d'être en souffrance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ça m'a beaucoup beaucoup touchée, surtout pour être un peu dans le cas où je me suis retrouvée dans, je sais, 36 cases de ma vie, mais c'est important. Pour avoir été dans le cas où j'ai été persécutée en étant adolescente, j'ai ressenti ça, et je trouve que le comics m'a vraiment fait ressentir des émotions que j'ai reçues, j'ai ressenti dans la vraie vie, et des choses que j'ai pensé moi-même, justement, dans le fait de genre, au bout d'un moment, j'en ai marre, je vais être moi-même, je m'en fous, c'est pas à moi à m'adapter à la société. Et ça, je trouvais que c'était vachement bien. Après, au niveau des personnages, c'est vrai qu'ils sont pas tous très charismatiques, et il y a des choses, des fois, un peu au début, qui étaient un peu confus ou pas très clair. Il n'y en a pas grand qui ressortent à part le chef. Mais le chef, justement, le flashback sur le chef, je trouvais que c'était un peu cliché tragique, genre feu de l'amour avec des twists un peu à la con, et c'était un peu dommage, mais l'idée en elle-même est vraiment cool, et ça m'a fait penser à la série Fringe. On va y arriver. Je regarde la caution prononciation. Non, mais c'est pour ça, où justement on avait des gosses pareil qui s'étaient retrouvés avec des pouvoirs qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Et il y avait un épisode où il y avait un gars, justement, il était au bord du suicide parce qu'il n'en pouvait plus. Et ça m'a fait penser un peu à cette ambiance-là. Là, pour le coup, moi, ce qui me manquait, juste, c'est effectivement que tu pars sur un groupe, effectivement, de dépressifs qui ont une certaine arrogance. Je serais curieux de savoir si on avait des pouvoirs comme ça, ce qu'on ferait. Peut-être 9 fois sur 10, on ferait pareil que ces mecs-là, quoi. Ouais. Je mettrais tout le monde. Voilà, oui, enfin, ce genre de choses. Mais là, pour le coup, c'est vraiment tout le côté en souffrance qu'ils ont été, que tu vois pas forcément. Mis à part effectivement le flashback un petit peu cliché, mais bon, quand même assez puissant, parce qu'effectivement c'était des triplés et puis ça s'est pas très bien passé. Oui, voilà, je voulais pas spoiler, mais j'aimais bien l'idée du ouais, non, mais ça, à la limite, c'est pas une information révélatrice. Ça justifie que ça soit un sociopathe un peu quand même. Oui, mais et c'est peut-être un peu ça qui manquait. Du coup, c'est l'impression que c'est un peu facile, c'est juste des mecs, et effectivement ils en ont un poil chié, mais il manque cette souffrance à fleur de peau qui pourrait les rendre peut-être un peu plus effectivement compréhensifs au lecteur. Enfin, okay. Je trouve que ça manque de direction aussi, un peu. Enfin, le truc qui m'est ressorti le plus, en fait, c'est il y a beaucoup, beaucoup de séries télé qui sont un petit peu sur le même thème. Il y en a un dont j'avais lu la critique qui disait « Le bouquin est bien, le problème c'est que j'ai déjà passé la phase de l'adolescence où j'en veux à tout le monde. » En gros. Du coup, il a du mal à se retrouver là-dedans. Parce qu'en fait, le truc c'est que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de séries télé qui gèrent ce type de... ou de films d'ailleurs, qui gèrent ce type de thème. Mmh, ouais, souvent, c'est traité de manière à dire « Le personnage principal est toujours traité plus ou moins n'importe comment par son environnement, mais il est tellement génial et tellement gentil. » Et au final, c'est lui qui a raison et qui trouvera le bonheur quelque part. Eux, c'est l'inverse. C'est une espèce de ils ont une vie où les gens les ont persécutés et l'histoire ne les traite pas en disant ils ont raison, l'histoire les traite en disant ils se sont fait persécuter, ils ont découvert qu'ils avaient un pouvoir qui leur donne un ascendant sur les gens, ça les a pas rendus meilleurs, au contraire ça les a rendus bien bien pires, et ils commencent dès le premier chapitre en disant on est mieux qu'eux, en fait, on est mieux que les gens normaux et du coup on peut les traiter comme on veut. Et après au niveau... bah du coup oui, j'étais censé parler de dessin. Et Attends, il y avait Faye qui voulait dire un dernier truc sur le... Juste pour moi, ce que tu dis, quand je t'écoute parler, bah en fait, au final, ça me fait penser un peu à Chronicle. Oui, c'est vrai, écoutez ça. Ouais. Et oui, donc... Alors... Le dessin. Le truc avec cette BD, c'est qu'il y a le rapport aux X-Men, justement. Et le truc, c'est que X-Men, comme j'en parlais tout à l'heure, là, quand on a discuté dans le couloir, X-Men, c'est les films d'action. C'est des bouquins de super-héros. Les bouquins de super-héros, c'est un peu l'équivalent du film d'action, du cinéma. Oui. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de développement de personnages, etc. C'est surtout là pour le spectacle et tout ça. Et ça, cette BD-là, c'est plutôt l'équivalent du film drama indépendant ou de la série pour adolescents qu'on va trouver à la télévision. Mais il y a un gros écart entre le vrai bon film qui va passer à un festival et la série et la CW où tout le monde est beau et le scénario est attassé et voilà. Et cette BD se rapproche plus du film drama qui passera à un festival et qui a vraiment été fait avec de l'attention, je trouve. Et ça se ressent aussi beaucoup dans le dessin. C'est-à-dire que même si au départ on va se dire ça a quand même quelques ressemblances avec X-Men, le dessin... Pas trop dans le trait encore. Justement, le dessin et les traitements des personnages, des décors, etc., ça ressemble beaucoup plus à une bande dessinée indépendante qui te parlerait de gens normaux. On dirait de la Faucon Belge un peu. Il y a vraiment... Ouais, il y a un peu de ça aussi. Et le truc, c'est que la BD a vraiment un axe réaliste dans son graphisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens avec une anatomie bizarre et c'est très ancré dans la réalité en fait, avec un côté très, très coloré, très pastel, très doux en fait finalement. Ce qui contraste d'ailleurs pas mal avec certaines des situations parce qu'il y a vraiment des moments où les personnages font des trucs assez crasses. Et je trouve que ça marche plutôt bien parce que justement il y a ce côté, on incorpore des super pouvoirs dans l'histoire, mais ça reste vraiment à propos des personnages, ça reste vraiment à propos de qui ils sont, de comment ils ont vécu, et il y a vraiment ce côté indie comics ou film indépendant de étude de personnages en fait. Et je trouvais ça très intéressant. C'est vrai que Colo est bien pour ce moment. Ah bah c'est Jordi Belair, c'est normal. Ah oui, c'est vrai, c'est Jordi Belair, j'avais complètement zappé. Est-ce que vous avez un petit avis sur la patte graphique dont parlait tout à l'heure, Romain? Bah moi j'ai bien aimé, donc comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a un petit style un peu franco-belge. Alors il y a certaines cases où les arrière-plans sont complètement vides, et il y en a d'autres par contre où c'est très, très fouillé, très fourni, beaucoup de détails. Moi j'ai bien aimé, ouais, personnellement. C'est souvent volontaire d'ailleurs ce genre de situation. Ouais. Mm-hmm. Parce que souvent quand ils font des scènes avec beaucoup de décors, souvent le décor il sert souvent à mettre en place la scène. Mm-hmm. C'est-à-dire savoir où tu es, pouvoir situer les personnages dans l'espace, et très souvent quand tu commences à enlever du décor, c'est pour mettre l'accent plus sur les personnages eux-mêmes et leurs réactions les uns par rapport aux autres. Il y a vers la fin, il y a un moment où l'héroïne montre le reste du groupe en disant « ces gens sont comme moi », et il n'y a absolument aucun décor, même le fond est blanc juste pour qu'on ait justement l'accent sur elle et eux, et qu'il n'y a absolument rien autour. Donc il y a vraiment une réflexion même dedans dans la mise en scène et tout ça. Faye ? Alors moi en fait quand j'ai vu les dessins, ça m'a vraiment fait l'impression bizarre, c'est-à-dire le fait qu'il y ait les décors assez vides, qu'il y ait ses traits qui soient très fins, on a l'impression que c'est très sec, très je fais un geste mais genre que c'était fait vraiment, tu vois, à la va-vite comme un coup d'épée de poignard, et j'avais vraiment l'impression de ressentir le côté fleur de peau et malaise des personnages et de l'environnement dans lequel ils sont, et du coup ça m'appuyait vachement le scénario, je trouvais. Ok, vous avez un Mathieu, t'as un petit mot? Moi, y a, effectivement, je vous rejoins sur le côté indé et qui rajoute forcément quelque chose de peu différent par rapport au mainstream. Il y a deux choses qui m'ont bien plu particulièrement. C'était, ça se passe à San Francisco et pour le coup, je trouve qu'il y a un travail pas inintéressant sur les décors, la ville et les personnages. Il y a les scènes où t'as beaucoup de personnages comme ça, t'as une diversité ethnique qui est. Ouais, j'ai remarqué ça aussi. La scène de foule, elle est pas mal. Il y a une scène de foule un peu. Il a fouillé quand même le truc. Ouais, mais tu sens qu'il y a du travail là-dessus parce qu'on va pas se leurrais, tu lis un comics de super-héros, t'as pas la moindre idée dans quelle ville se passe. Hein. Oui, oui. À part Gotham City parce que t'as trois gargouilles, le reste c'est New York. Et le dessin aussi est pas forcément percutant en termes de vitesse. Tu sens pas forcément une. Mais y a pas trop d'action en même temps. Ouais, mais t'as quand même. Quasiment pas même. Et du coup, les rares scènes, effectivement, comme disait Juni, parfois un peu choc. Ça fait une photo vraiment choc parce que les angles sont souvent très bien choisis. Je pense à cette scène où au début de je sais plus quel épisode, tu vois des persos qui mettent des coups de poing à d'autres personnages. Ouais, c'est le deuxième. Ouais, c'est pas très dynamique comme ça. Non, mais du coup, je trouve ça du coup ultra violent parce que t'as pas forcément. Tu te prends en pleine face. Ce cliché, t'as juste l'impression que t'as pris un cliché à ce moment-là du mec qui prend son coup de poing à la figure. L'ambiance fait très film indépendant avec une bande son faite à la guitare. Et puis là, tout d'un coup, les gars se mettent à taper sur un mec qui vient de croiser il y a 5 minutes. Donc, voilà. Moi, ça m'a fait un petit peu loin penser au film de Kubrick dont j'ai oublié le nom. Orange Mécanique, voilà, merci. Ouais. Où effectivement, tu as cette espèce de jeunesse désabusée qui fait juste n'importe quoi, juste parce qu'elle le peut. Mmh. Et la référence n'est pas évidente, mais on est un peu dans ce truc-là. Ok, et bah du coup j'ai une dernière question sur le comics. Est-ce que vous achèterez la suite? Ouais, on va commencer par Romain, parce que l'invité du jour. Ce premier tome a réussi à veiller ma curiosité. Maintenant que j'ai commencé l'histoire, j'ai bien envie de la continuer. Je sais pas si ça va durer longtemps, parce que c'est vrai que vers la fin ça retombe un petit peu. Mais si l'intérêt arrive à être maintenu, bah ouais, je pense que je prendrai le tome 2. Ok, Mathieu? Comme je disais, moi la première partie m'a vraiment bien plu, effectivement c'est peut-être un peu moins puissant la deuxième partie, mais il y a quand même un certain potentiel. Il y a un autre comics qui m'avait fait un peu ça, qui est Thousand Bastard de Jason Aaron, où dans le premier volume tu as vraiment un personnage qui est mis en avant et derrière tu as des clichés, et en fait dans le deuxième volume il va creuser à fond les personnages qui semblaient vachement clichés, et du coup c'est vachement bien. Et je me demande quand même, vu à quel point c'est travailler dans la première partie du volume, il y a quand même du potentiel avec tous ces personnages, ça me paraissait bizarre qu'il y ait autant de personnages qui ne soient pas plus travaillés. Donc ouais, moi je suis curieux quand même de lire la suite, il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien fort. Okay. D'ailleurs, en parlant du nombre de personnages, ils sont tous présentés d'un coup en une page, et là on va se dire peut-être qu'on va un peu s'y perdre, etc. Mais le dessin sert très bien ça, c'est-à-dire que le chara-design, tous les personnages sont très variés. Ouais, ils sont bien caractérisés. Ouais, ils sont bien caractérisés, donc ah, bah, coup, ça change. Bien les différencier, ouais. Johnny, est-ce que tu achèteras la suite? Je pense que je la lirai, ouais. Principalement parce qu'en fait, je suis un peu dans la même situation que Mathieu, c'est-à-dire que au niveau de l'histoire, j'ai un peu l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de direction en dehors des motivations du personnage principal. Les autres, même, ils ont l'air un peu. On prend la vie comme elle vient et du coup, ils sont un peu fades. Mais il y a moyen de faire des trucs intéressants avec eux. Du coup, vu comment le premier tome finit, il y a vraiment moyen qu'ils commencent justement à creuser un peu les personnages annexes, voir un peu comment ils vont fonctionner avec leur nouveau mode de vie, tout ça. Et donc, ouais, je suis intéressé de voir. Mais le truc, à mon avis, qui va vraiment vendre ou casser le truc, c'est est-ce que les personnages sont attachants et intéressants. Ok. Et bah, Faye. Ouais, moi je vais lire la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est pareil, je sens qu'il y a du potentiel et qu'il y a moyen de débloquer un peu tous ces personnages, de voir justement s'il va y avoir deux camps qui vont se former, si ils vont se retrouver ou quoi. Et voilà, ouais. Non, mais moi ça m'a vraiment plu. Je m'attendais pas à ça. Et vraiment une belle surprise pour moi. Et bah, moi aussi j'étais plutôt hypé par le titre, donc je souhaiterais sûrement la suite. On remercie Jungle Edition et on va passer au deuxième titre. Un titre choisi par Faye, malgré mon avis, parce que je me suis fait engueuler que je n'aimais pas Michael Jackson. Non, mais tu peux pas critiquer vu ce que tu passes de toute façon. Je trouvais que ça allait bien avec. Maintenant j'ai perdu toute crédibilité. Mais n'empêche que j'ai une question, parce que à chaque fois que tu mets une musique, tu te défends. Ouais, bah, à chaque fois. Assume. Parce que j'assume pas trop mes choix de musique, mais pourquoi pas. Et on va passer à Michael Jackson. Et c'est quel morceau, je sais plus. Justement, c'est Don't Care About Us. Ouais, donc voilà, c'est ça. C'est écho au titre. Donc voilà, les morceaux. Et c'était Michael Jackson, donc c'était They Don't Care About Us, donc qui faisait écho au titre d'aujourd'hui qui était They're Not Like Us, qui est sorti chez Image Comics et chez Jungle Animation. Vous êtes toujours sur Comics Discovery, donc l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et fascinant du comics. Ouais, voilà, il y en a qu'un seul qui suit, c'est l'invité, mais franchement, on l'a laissé. C'est un faillot. Et donc voilà, on est toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 et sur Internet pour les gens qui nous suivent depuis Internet, pour les gens qui ne seraient pas sur Montpellier. On va enchaîner avec une petite critique d'une série télé pour changer, mais d'une série télé inspirée, on va dire, d'un comics. Et je tiens à le dire tout de suite, c'est de la merde. Donc voilà, ce sera fin de la critique. Donc c'est Riverdale, et c'est la caution cinéma-série de l'émission. Donc voilà, ça y est, tu as ton nom officiel, tu peux le mettre, tu pourras le mettre gravé sur ta tombe. Faye Fanel, c'est bien. Caution, c'est sympa. Super. Magnifique. Vas-y. Ça y est, la force est mon ADN, si je me rappelle bien. Deux phrases. Hein. Moi, ce sera James enterré vivant. Ouais. On va faire ça tout à l'heure. D'ailleurs. Mettre, hein. Oui, bref. Donc, j'ai eu le déplaisir de voir deux épisodes de cette série qui s'appelle Riverdale. Je sais pas absolument comment t'as fait pour tenir deux épisodes. Eh bien, j'ai dû m'attacher les mains pour ne pas me griffer le visage. Et je tiens à remercier par avance le fameux groupe 610 avec qui je parle, qui m'a aidé à tenir le coup. Voilà, elles se reconnaîtront. D'accord. Merci. Donc, je vais vous parler de Riverdale, une série sortie sur la CW et diffusée en même temps sur Netflix. On pouvait la voir 24 heures après. Oh, quelle chance. C'est magnifique, on est gâtés. Et donc, en gros, Riverdale, c'est l'histoire d'une fille qui arrive dans la ville de Riverdale avec sa maman à la suite d'un petit problème. Eh bien non, ce n'est pas Blair ou le personnage de Blake Lively, je ne sais plus son nom, parce que ça ressemble beaucoup à Gossip Girl le début. Mais non, non, non, c'est un personnage qui s'appelle Veronica, qui est brune, genre pute avec... Tu n'as pas dit que c'était tiré d'un comics? Ouais, mais on s'en fout, laisse-moi expliquer Attends, une pute, c'est peut-être bien. Voilà. Non, non, mais je trouve que la meuf, on dirait qu'elle a 40 balais alors qu'elle est censée avoir 16 ans, quoi. Enfin bref, tellement les maquiller. Milf Cougar, génial. Ouais, vas-y. Non, j'allais juste dire, reconcentrez-vous, les enfants. Oui. Ah. Alors, j'y retourne. Donc, elle arrive dans la ville de Riverdale et elle va à l'école et tout. Elle rencontre Archie, un petit rouquin cucu qui passe son temps à chanter des chansons pourries, style allume la radio, danse avec moi, je t'aime, tu es trop belle. Ouhou. Et toute la ville veut se les le taper. Très engagées. Il y a Betty qui veut se le taper. La prof de musique se l'est tapé carrément, c'est magnifique. Et Véronica, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se le taper. Mais c'est génial, et même l'homosexuel de la ville veut se le taper. C'est fantastique. Et le petit Archie, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il passe son temps torse nu, avec un corps qui a l'air photoshopé tellement il fait faux. Vous voyez un peu l'ambiance de la série. Et puis bon, quand même, ils ont dit, on va mettre un petit mystère. On va dire qu'il y a un mec qui s'appelle Jason, qui est roux aussi. Et ben, il a disparu, et sa sœur jumelle le cherche. Il y a un tueur de roux. Mais où qu'il est, le petit Jason? Et bien, c'est le mystère, le fil rouge de cette série. Alors, autant vous le dire, je n'ai pas du tout aimé, parce que j'ai eu l'impression de voir un best-of de toutes les séries ados du monde. Alors, un petit peu, comme je vous le disais, de Gossip Girl, un petit peu de Pretty Little Liar avec la personne qui a disparu, le meurtre à reconstituer. C'est cliché à tous les étages. Oui, James. Moi, j'ai eu l'impression de voir Twin Peaks sous Prozac. Oui, mais j'allais en parler dans la photographie, dans la réalisation après. Chaque chose en son temps, petit James. Donc voilà, c'était vraiment... Tous les personnages sont clichés, ils n'ont rien à dire. Le personnage de Véronica, c'est genre la fille qui va sortir des références pop culture toutes les 5 minutes. Oui, complètement mais, random. C'est en voilà, on a l'impression qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc c'est super, voilà. Ça doit être vrai en plus. Oui, sûrement. Oui. Ajouter à ça un casting qui est mou, c'est sans carré. Merci James de me couper dans ma chronique. Je te remercie. Un peu énervé là, je serais toi. Je vais fermer ma gueule. Oui, bon, on retrouve des jeunes acteurs. Alors, dans les plus connus dans les jeunes acteurs, on a celui qui fait Jughead, qui est Cole Sprouse, qui a joué dans Zack et Cody, mais qui est aussi connu, ça je l'ai appris récemment, pour le rôle de Ben Geller dans Friends. Ah oui, c'est vrai. C'est génial. Et puis pour sauver le truc, on a dit, on va ressortir Luc Perry. Blanc. Mais là, il est brun maintenant. Ah, et donc là, je vous dis, pour sauver le truc, il nous ressort Luc Perry. Parce que bon, voilà. Lui, c'est vrai qu'il y a Luc Perry, j'avais zappé. Alors, Luc Perry fait le père d'Archie, puis là, il fait. Pour les gens qui ne sauraient pas qui est Luc Perry. Luc Perry, c'était dans Beverly Hills, le censé être beau gosse. Ouais, ils étaient tous moches alors. dramatique. Et ils étaient tous plus vieux que leur âge. Allez, hop. Mais bref, le mec, il fait le père, il apparaît 30 secondes pour dire « Alors Archie, ça va bien l'école ? Oh, tu sais, tu peux pas faire de la musique, il faut que tu fasses du sport, mon petit. Hein » Bon, voilà. Je vous dis en gros l'ambiance. Oui, parce qu'il a, il a une vie tellement... Il a des dilemmes moraux. Ah, mais c'est vais-je faire de la musique ? Vais-je faire du football ? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je dis à Betty que je l'aime ou je le dis pas ? Parce qu'en fait, je préfère ma prof, elle, je l'ai déjà tronchée, vous voyez, c'est... Non, mais je vous jure, je suis méchante avec cette série, mais c'est vraiment très très mal écrit. Je suis vraiment pas contente. Et quand on passe à la réalisation, c'est pas mieux, c'est mou. On a une photographie qui est un mélange de Vampire Diaries, vous voyez, pour rester dans les productions CW. Et le mec, il a essayé de faire des plans à la Twin Peaks, genre on filme l'eau, on filme le truc de la ville, on fait des plans super en hauteur et tout. Mais mec, t'es pas David Lynch, alors arrête, reste simple, j'ai envie de dire. Enfin, il y a rien qui va, et là, je veux dire, c'est coupé n'importe comment, c'est long, on a des longueurs, des scènes qui servent à rien. Dans le deuxième épisode, alors ce qui m'a énervé, dans le deuxième épisode, on a une scène de match de foot, et d'un coup, allez, on fait des pom-pom girls qui dansent, et on va faire ça en version pute clip de rap. Mais quel est intérêt ? Quel c'est intérêt ? Pop-Up Girl en même temps. Non mais quel intérêt ? Le film American Girl était beaucoup plus drôle sur le sujet des Pop-Up Girl, par exemple, avec Elisa Dushku, je vous le conseille. Mais là, rien ne va, rien d'intéressant. Et le soi-disant mystère du mec qui est mort, moi je vous dis, c'est un truc tout simple. Soit c'est le gay qui l'a tué, soit c'est sa sœur. Voilà, vous pouvez quand même voir à la fin. Mais c'est les deux suspects, donc ça va être forcément un des deux. Sachez qu'elle trouve toujours, hein. Elle trouve toujours, même au début. Pas toujours, mais souvent. Donc vraiment, Riverdale, alors si vous êtes peut-être si vous êtes un ado de 15 ans, que vous avez ce genre si de truc... Pourquoi pas, mais... Non, je dirais pas ça. Ça peut vous plaire si vous êtes un peu fleur bleue, ça peut vous plaire aussi. Mais moi, Archie, je vais peut-être retourner dans le dessin animé que je regardais à l'époque de. Comment s'appelait l'émission de la 6 M6 Kid. Oui, parce qu'elle a pas dit déjà... que c'est tiré de l'univers de oui, Archie Comics. Comics. Donc c'est la, Archie, Veronica Betty. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un vieil éditeur classé dans les trucs. C'est un peu. Ils sont très conservateurs, non c'est un peu l'idée qu'ils ont. Enfin, ouais. Moi, c'est ce que j'avais entendu dire. C'était des mecs très très conservateurs. Et Archie, vous avez pas mal de crossover bizarre genre avec Kiss avec je crois qu'il a fait un truc avec Alien et avec Predator aussi donc voilà c'est... Non mais il faut je sais pas mais tu fais une série profites-en pour développer tes personnages, ils ont zéro personnalité, ils sont juste bien coiffés et bien maquillés quoi, c'est pas possible. Oui, mais c'est CW, tu t'attendais à quoi? Bah ouais mais bon c'est au moins les frères Scott c'était rigolo à regarder quoi. Je sais pas, en plus ils avaient tous des sales tronches. Alors, la question que je me pose maintenant c'est est-ce que oui. Johnny et Cucu et Fleur Bleue c'est... parce qu'il a regardé aussi. Moi, oui alors j'ai regardé le premier épisode par curiosité et le deuxième parce que je n'avais rien à faire. C'est vraiment rien à faire, même, franchement. Non, mais vraiment. Hein, et j'ai trouvé fenêtre, ça hein, ok. Non, vraiment, j'ai trouvé ça ok. C'est-à-dire que c'est comme elle a dit, c'est rempli des clichés que tu vois d'habitude et soit tu vas réagir en te disant ok, ça me gonfle parce que, comme pour Dare Not Like Us, c'est. T'as un peu passé la phase de l'adolescent qui veut regarder ça, soit pour avoir l'impression de voir des gens qui ont les mêmes problèmes que lui, soit pour regarder passer des meufs habillées en vêtements moulés ou alors des mecs qui n'ont pas de t-shirt alors qu'il fait 3 degrés dehors et qu'il fait nuit. Et c'était ok, j'ai rigolé à certains moments parce que, c'était... par exemple, le groupe des Pussycat, les chanteuses qui, ah oui, dans, la bande, dans la bande dessinée, il y a une blonde, une rousse et une noire. Dans la série, elles sont toutes noires. Je suppose que c'était censé être diverses, mais si tu enlèves des gens et que tu les remplaces par 3 personnes de la même couleur, c'est pas super diverse. Et ça m'a surtout fait rire. Et la fameuse c'est bizarre parce que j'ai vu une image d'une couve d'un comics du coup de Joe, enfin merde, c'est Josie, c'est ça, Josie de Pussycat, et c'était 3 blacks aussi. Hein. Le même principe s'applique. Ok. Et la fameuse scène du concert là, pour le coup, j'ai rigolé aussi parce que. Dans le contexte du truc, on est en train de parler de la mort d'un jeune de l'école qui a été assassiné. Ah oui, ils font un bal sur ça. C'est censé être triste et ils sont censés être en période d'acclimatation, etc. Et la soirée est censée être dédiée à cette personne qui vient de mourir. Il y a un bal de promo. Attends. Le rap qui suit dans cette soirée censée être dédiée à une personne morte, ce rap a des sous-entendus sexuels assez énormes. Et j'ai trouvé ça tellement inapproprié que c'en était hilarant. Mais moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que c'est un bal de promo, genre, ben, donc, que vous avez vu dans toutes les séries, mais avec des photos énormes du gars qui est mort de partout dans la salle. Mais c'est glauque. Puis sa sœur, c'est genre son rôle, dans toutes les scènes, il faut que tu sois effrayante, genre limite psychopathe. Sa sœur, c'est quoi. Jessica Chastain, mais qui a fait beaucoup de chirurgie esthétique. C'est bien de reprendre ce que je t'ai dit. Oui, ben. Bah... T'as vu ça un peu? T'es méchante. Non, mais vraiment, c'est comme tu disais, c'est le quota, c'est genre on a le noir, on a l'homosexuel, on a le rouquin, on a la blonde, on a la brune, on a tous les styles. D'ailleurs, le coup du cliché du meilleur ami gay ça suffit, oui. S'il vous plaît, j'en peux plus là. Ils sont toujours pareils. Et je crois que t'avais pas posé problème, les clichés. Ça dépend. Mais en fait, les clichés me font rire parce que. Enfin, soit ils me font rire, soit j'en suis totalement. Faut jouer avec, en fait. Je suis totalement fat par rapport à ça, totalement de marbre, en fait. Et dans le cas du fameux meilleur ami gay, le truc, c'est que c'est toujours le même. Et c'est pas un personnage, c'est un poster. Il est là pour occuper la place du meilleur ami gay. Il a pas vraiment de personnalité. Ils ont commencé un petit peu. Il a sa petite histoire sur le côté, qui elle aussi est plus ou moins un cliché. C'est-à-dire qu'il y a un mec de l'école qui lui plaît et à qui il plaît, mais le mec de l'école veut cacher qu'il est gay parce qu'il est dans l'école de football. Oui, il est dans l'équipe de football. Et... Enfin voilà quoi. Il fait complètement pomper sur le monde de Charlie. C'est un peu ça. Et donc, je dirais que pour les ados, il y en a sans doute qui vont apprécier. Après tout, je suis pas la cible. On va dire ça comme ça. Et donc je jugerai personne qui apprécie cette série, mais effectivement c'est un peu c'est comme... C'est vrai qu'à mon avis la cible c'est une gamine de 17 ans. C'est comme pour The Nutcracker, j'ai un peu passé l'âge on va dire. Ouais, au niveau de la cible, alors, j'ai regardé un peu les commentaires sur TV Showtime, mon application de série, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, d'ados qui aiment bien parce que ils sont trop beaux les acteurs. Mais il y a pas, c'est quoi le site que tu m'as dit, Daily Mars? Donc ouais, il y a Daily Mars qui ont fait toute une analyse sur l'épisode, et quand j'ai lu leur article, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai pas vu le même épisode quoi. Donc je sais pas. Après bon voilà, ça peut plaire pour tout le monde, mais moi clairement je suis pas rentrée dedans, et pourtant je regarde beaucoup de séries connes. Je vous dis, je regarde Pretty Little Liars et c'est très con mais ça me fait rire, mais là celle-là non, ça passe pas du tout. Bon, en tout cas on te remercie pour cette première chronique. Tu vas Je peux l'annoncer, je pense que je ferai la semaine prochaine Powerless. Ouais, et la semaine d'après Légion. Légion si tu veux. Ouais, comme ça j'aurai vu deux épisodes. Donc comme ça on aura à chaque fois une petite série à voir ou ne pas voir là à mon avis. Mmh. On va éviter. Est-ce que Johnny, tu vas regarder le troisième épisode ou tu vas regarder par la fenêtre plutôt? Non, je pense que je vais arrêter. J'avais commencé à regarder les frères Scott à l'époque parce que ça passait, que j'avais rien à faire et au final j'avais bien apprécié. Mais là, ça n'a pas vraiment le même charme qui te fait dire bon, c'est pas génial, mais ça se laisse regarder. Donc non, je me sens pas de. Ok. On a un peu de temps. Est-ce que vous voulez faire un petit coup de cœur, un petit. Une petite attente. Oui. Ah bah Johnny veut la parole. Oui. Vas-y. Alors pourquoi j'en ai plusieurs en plus. Un peu de temps donc vas-y tu peux. Ouais. Donc alors attends. En fait j'ai découvert une série il y a pas longtemps qui s'appelle The Magicians, les magiciens. Et comment je vous explique ça. En fait le perso principal il vit dans notre monde normal etc. Mais il est super fan de bouquins dans le style de Narnia sur des enfants qui voyagent dans un monde parallèle magique. Darnia en fait avec un nom différent et sauf que ces gamins sont des magiciens et ils ont vraiment des pouvoirs à la Harry Potter légèrement et il découvre lui qui a genre la vingtaine et qui vit reclus, il a du mal à se mêler aux gens etc. Et il découvre qu'il y a une école de magie au nord de New York et que ces gars-là veulent l'enrôler en fait et du coup il devient magicien. Et là, présenté comme ça, ça ressemble pas mal à Harry Potter, mais en fait, ça n'a strictement rien à voir. Leur monde est vraiment mêlé au monde des hommes normaux. Ils ont une photocopieuse dans leur librairie et ils s'habillent normalement, etc. Et ça suit en fait donc ce personnage là qui, dans son école de magie, apprend à devenir magicien et qui découvre que son fameux monde à la Narnia en fait existe réellement. Et ça suit aussi sa meilleure amie à qui on a dit. En fait, on pensait que vous aviez des pouvoirs et que vous pouviez entrer dans l'école, mais en fait, vous pouvez pas. Et du coup, elle est dégoûtée. Elle est plus que dégoûtée, c'est-à-dire qu'elle entre dans un mode d'apprentissage de la magie plus underground, et c'est probablement la partie la plus intéressante, je trouve, okay. Parce qu'on la voit vraiment. Elle commence par traiter la magie comme de la drogue. Elle découvre qu'il y a tout un trafic underground de gens qui vendent des sortilèges et tout. Ah, comme dans Buffy. Et le truc, c'est que ça prend Narnia, mais un ton beaucoup plus sombre. Sombre mais sans être trop déprimant en fait. Et il y a un côté plus adulte mais tout aussi mature dans le sens où, comment dire, par exemple ils prennent en compte le fait que les personnages ont une sexualité. Oui, oui. Ils en parlent de manière assez ouverte et c'est traité de manière assez fun aussi. Et je recommande plutôt. C'est pas la meilleure série de l'univers mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Ok, Mathieu, est-ce que t'as une attente? Oui, enfin attente quasi comblée parce que juste en série télé qui a rien à voir, c'est la reprise de la saison 2 Black Sails saison 4 sur les pirates qui est juste une tuerie. Ah oui, j'ai vu que ça. Overkiffing. Ok. C'est la série. Je crois que c'est produit par Michael Bay. Ouais. Ouais. Donc il y a pas d'explosion. Enfin si un peu quand même. Et du coup ça vaut le coup. Ouais, moi j'aime beaucoup. Première saison était poussive. Partie de la deuxième saison, t'as vraiment pas mal de personnages qui commencent à être un peu vraiment mis en avant. Et puis y a pas un gentil, y a que des salopards qui passent leur temps à se trahir les uns les autres. C'est génial. Ok. Mais depuis que tu m'as dit que tu regardais Legend of Tomorrow, j'arrive plus à. C'est génial, Legend of Tomorrow. On a appris que c'est grâce à eux qu'on a Star Wars et. Ah mon dieu. Et. C'est vraiment. Et les Indiana Jones. Bah, dis donc. Romain, est-ce que t'as un coup de cœur? J'ai un petit coup de cœur, ouais, j'ai vu la série Last Man en série animée. Ouais, très bien. Excellent. On en a parlé dans un épisode. Voilà, vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je suis là, allez regarder si vous n'avez pas vu, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment très bien. Ouais. C'est vraiment super bien. Non. C'est incroyable. Mais t'aimes rien, toi, t'aimes pas Riverdale. D'ailleurs, je vous dis, tu peux écouter, parce qu'il l'a pas vu encore, tu peux écouter notre épisode dessus, tu verras, c'est génial. Moi, j'adore. Enfin, moi, j'aime pas. Mais on t'a pas demandé ton avis. Et pendant que tu parles, est-ce que t'as un coup de cœur Oui, je suis en train de regarder actuellement la première saison sur Netflix de Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore. Et en fait, au début, je sais pas trop quoi en penser. Et puis, j'ai continué à regarder. Et franchement, j'adore. Le concept, c'est un peu genre une banlieue, genre Desperate Housewives, où on voit une famille voilà, avec la mère assez coincée, le papa coincé aussi. Et en fait, un jour, eh ben, elle devient un zombie. Et donc, il faut qu'elle se nourrit d'humains. Et ça part des conneries, ils vont devoir tuer des gens et tout pour qu'elle puisse se nourrir. Et c'est vraiment drôle. C'est gore aussi. Et c'est super décalé. Je m'attendais pas à ça au départ. Et franchement, j'ai bien aimé. Il faut dépasser le premier épisode qui est un peu cracrade, on va dire. Mais franchement, c'est super. Drew Barrymore, elle est drôle. Le gars, je crois que c'est Timothy Olyphant, il me semble. Un nom comme ça. Qui fait le son mec mari. Qui était dans Justified et dans ouais je sais pas, je l'ai vu dans plein de trucs mais j'en retiens jamais son nom. Il était dans donc... Deadwood aussi je crois, non ouais. Dead tu sais le truc avec la ville là, ouais bon enfin bref, en tout cas il est super drôle. Il y a même le mec qui faisait Carlos dans Desperate Housewives qui ah oui j'aime bien lui, un voisin qui est mais il fait trop rire. Enfin bon, en tout cas je vous conseille de regarder. Moi ça me fait plaisir de revoir Drew Barrymore parce que c'est une fille qui est super drôle je trouve. Ok, moi j'en ai un petit. Comme je vous l'ai dit au tout début, cette semaine j'ai découvert Overwatch. J'avais fait la bêta, j'avais moins accroché. J'avais fait la bêta sur PS4. Et là j'ai commencé sur PC. Et vraiment j'accroche vraiment beaucoup. C'est vraiment un jeu super cool. Donc c'est du multijoueur, du FPS multijoueur en équipe. Et le côté équipe et stratégique est vraiment très très sympa. Si vous aimez un peu ce style là et que vous avez envie d'entrer dedans, et bah, moi je peux que vous conseiller de jouer. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui y jouent. Et en plus le background est vraiment très sympa avec des comics notamment dessinés par Bengal, donc un monsieur qui est derrière, qui a bossé sur Spider-Gwen je crois, et il a bossé sur pas mal de trucs chez Marvel, donc un petit français très cool. Moi je peux que vous conseiller de vous intéresser à Overwatch, c'est sympa. Et on va finir sur ça. Je vais peut-être vous rappeler, on a posé le programme pour les prochaines émissions, donc on va vous l'annoncer, comme ça vous saurez de quoi on va vous parler. La semaine prochaine on va vous parler de Lego Batman, puisque on y va demain, donc demain soir si vous allez au Gaumont Multiplex, et vous pourrez nous retrouver pour la séance VO, l'avant-première VO de Lego Batman, on y sera. On vous en parle la semaine prochaine. On va essayer d'avoir peut-être Léopold et Marc qui étaient là la semaine dernière pour parler cinéma, donc on vous parlera cinéma, tout ça. La semaine d'après, comme il y a Batman et les Tortues Ninja qui sort cette semaine chez Urban pour le modique prix de 10€ d'ailleurs, on va vous parler des Tortues Ninja. Et la semaine d'après, on va vous parler d'un titre qui est sorti chez Glénat, un titre original de chez Glénat, et c'est Suscuban Turbo, je crois. Donc c'est un je l'ai lu et j'ai trouvé ça assez sympa. Je sais que Faye a moins apprécié, mais on va vous parler de ça, voilà. Moins tu es gentil. Hein. C'est ouais. N'a pas du tout aimé. La semaine d'après, ce sera Han Solo. Donc voilà pour les titres dont on voit. D'accord. Okay. Voilà, j'annonce maintenant. On va conclure sur ça. Vous savez, vous pouvez retrouver toutes les émissions, tous les vieux replays sur le site comicsdiscovery.fr. Si vous voulez venir commenter, quoi que ce soit, nous envoyer des mails, vous avez un truc contact, tout ça. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, @comicsdiscovery. Vous pouvez venir réagir aux émissions, nous donner vos avis sur les titres. Si vous avez un avis, par exemple, sur Lego Batman, n'hésitez pas à nous l'envoyer, on le lira pendant l'émission, on essaiera. Si vous avez des titres à nous suggérer aussi, n'hésitez pas. Des titres de musique à nous suggérer. Ouais, voilà. Si vous voulez faire des dédicaces, vous pouvez aussi. Je dédicace à Véronica. Si comme Romain, vous avez envie de rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et bien, on lira, on fera un test et on verra si ça passe ou pas, tout ça. On remercie beaucoup la technique qui était un peu laborieuse aujourd'hui, mais c'est parce que c'est pas la même que d'habitude. Merci beaucoup à Radio Campus Montpellier. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on finit avec un morceau qui est dans la thématique de la semaine prochaine, puisque c'est la chanson du film Lego Movie, Everything is Awesome. Yes. Ciao. Ciao. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team.